force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu es béni de Dieu, mon frère. Tu es béni de Dieu, ma sœur. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Écoute-moi bien. Peut-être que quelqu'un t'a dit que tu es maudit. Il faut refuser cela. Proclame et déclare ce que Dieu dit de toi. Tu es béni en Christ. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSP, Opération Sous la Brèche. Romains 16, 17 à 27. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Notre texte du jour, c'est Romains 16, 17 à 27. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de telles personnes, de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lysius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que les frères Cartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Nous devons nous éloigner de certaines personnes. Il y a une catégorie de personnes que la Bible dit. Lorsque tu vois une telle personne, tu dois t'éloigner de lui. Quelles sont ces personnes? Il y a ceux qui causent des divisions et des scandales dans l'Église. Les gens qui ont comme ministère divisé l'Église, créé des scandales, surtout à partir de leurs enseignements. Aujourd'hui, il y a des gens parfois, quand ils viennent avec un enseignement pour dire, parents, non, est-ce que vous savez que la dîme n'est pas biblique? Est-ce que vous savez que telle chose, on a découvert que la meilleure manière de prier, il faut porter telle chose, il faut prier les pieds nus, il faut faire ceci. Il y a des gens qui introduisent des enseignements pour diviser l'Église, pour faire partie les gens de l'Église. La Bible dit, éloignez-vous de ces hommes-là. Et ici, l'apôtre Paul donne d'autres caractéristiques de ces gens-là. Premièrement, on dit, ils servent leur propre ventre et non Dieu. Aujourd'hui, regardez bien, quand les gens organisent des programmes, les gens organisent des veillées, les gens organisent des tels moments. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, ce n'est pas réellement pour servir Dieu. C'est un business, une manière de gagner l'argent. Quand on voit des pratiques qui se font, vous voyez, Dieu dit ici, par la bouche de Paul, il dit au verset 18, « De tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. » Quand tu vois quelqu'un là, dont le but ce n'est pas réellement de servir Christ, il tord des enseignements. C'est un business, un moyen pour gagner l'argent, un moyen pour même escroquer, s'il le faut. On dit, ils ne servent pas le Seigneur, ils servent leur propre ventre. Et ici, deuxième chose, il dit, ils utilisent des paroles douces et flatteuses. C'est-à-dire, quand ils vous parlent là, Ils vont vous dire souvent, ils vont vous parler de prospérité. Vous serez élevé, vous allez vous marier. On ne parle pas de sanctification, hein. Des paroles douces et flatteuses pour séduire. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Au verset 18, il dit, « Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » C'est-à-dire, par de ces paroles, ils vont vous séduire. Mais le but, c'est de prendre l'argent, de prendre vos biens. Vous voyez? Et beaucoup de gens sont séduits par ces gens-là. Et la Bible dit ici, quand toi tu es chrétien, chrétienne là, on dit il faut t'éloigner de ces gens-là. Il ne faut même pas t'approcher. Deuxième vérité, il y a deux vertus que nous devrions cultiver en tant que chrétien. C'est quoi? C'est la sagesse et la pureté. Nous devons apprendre à cultiver la sagesse et la pureté. Écoutez ce qu'il dit au verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. La sagesse est une vertu qui manque beaucoup aujourd'hui. C'est pourquoi même lorsque nous avons des dons spirituels, surtout les gens qui ont les dons de paroles, de connaissances, des dons de révélation, hein, nous devons utiliser les dons avec sagesse. Mon ami, si Dieu t'a révélé que ton oncle est sorcier, ou je ne sais pas, ta tante est sorcière, est-ce que même si c'était vrai, est-ce que Dieu t'a dit de les révéler partout maintenant, de crier partout qu'il est sorcier, elle est sorcière? Voyez, donc nous devons utiliser la sagesse dans notre propre vie. Il y a des gens qui ont gâté leur vie. Il y a des gens même qui ont perdu leur emploi, leurs propres avantages dont ils étaient bénéficiaires parce qu'ils manquent de sagesse. Et nous devons cultiver aussi la pureté. Ici, il précise bien la pureté en ce qui concerne le mal. C'est-à-dire que quand je cultive la pureté, je dois m'éloigner de tout ce qui est péché. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne recherchent plus la pureté. La pureté commence au niveau du cœur, commence au niveau de nos pensées et ça se traduit dans nos actes. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur tout en nous compromettant dans le péché, de manière volontaire et de manière consciente. Troisième vérité concerne notre Dieu. Il y a des vérités qui sont ici stipulées sur Dieu. Il y a trois grandes vérités, même quatre. Notre Dieu, il nous donne la victoire sur nos ennemis et particulièrement sur Satan. C'est ce que Paul dit ici, le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Vous voyez? Donc, c'est lui qui écrase Satan, mais il nous assujettit Satan. Je parle à quelqu'un. Ces puissances sataniques qui dominent sur toi. Tu es peut-être poursuivi par un esprit de sirène des eaux, un esprit d'échec, un esprit de mort. Dieu, le Dieu que nous invoquons, il va assujettir tous tes ennemis sous tes pieds. Les puissances des esprits de mort, des esprits d'échec, des esprits d'envoûtement seront assujettis à tes pieds au nom de Jésus. Dieu nous donne la victoire et tu dois proclamer cette victoire sur toutes ces puissances qui te combattent. Autre vérité concernant Dieu, notre Dieu peut nous affermir. Vous voyez, c'est lui qui nous rend fermes afin que nous restions persévérants sans broncher dans la foi. Il dit au verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. » Cela veut dire que c'est vrai, il y a notre part. Mais ce n'est pas par nos propres forces que nous nous maintenons dans la foi. Nous avons besoin de la grâce divine pour réellement que nous soyons affermis, pour que nous puissions demeurer fermes. Surtout avec ces derniers jours, nous voyons, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous donner de la foi. Et nous avons besoin de la grâce divine pour affermir notre foi. Et il faut que ça, que cela devrait être une préoccupation pour chacun de nous, pour dire, Seigneur, affermis ma foi. Il peut nous affermir. Qu'est-ce qui est dit aussi concernant Dieu ici? Il est le Dieu éternel. Le verset 26 dit, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. Il s'appelle El Olam, le Dieu éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Oui, c'est ce Dieu-là que nous invoquons. Il est grand, il est digne de recevoir la louange. Et enfin, l'apôtre Paul dit, il est le seul sage. C'est-à-dire, non seulement il est le sage, mais il est la source de toute sagesse. Oui, les hommes de ce monde, la sagesse de ce monde est différente de celle que Dieu donne. Le verset 27 dit, à Dieu, seul sage, à lui soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il est digne de louange, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais ce matin que nous puissions nous lever, que nous puissions exalter ce Dieu-là, que nous puissions le louer, que nous puissions l'adorer. Nous allons chanter d'abord ce cantique. Santo Masiae, oh Kumama, libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Valimo Santo Masiae, oh Kumama, libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Osalilizi bana bomoi, oh Kumama, libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Valimo Santo Masiae, oh Kumama, libela nzambe na bomoi Masia Ozali libanga na bomoi, toyemeli yo libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali mo santo Masia he, oh Kumama libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ambisi ya mai bakochola, bakokumisa yo nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali mo santo Masia he, oh Kumama libela. Andeke likolo bako pepa, bako sanjola yo ozali nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali mo santo Masia he, oh Kumama libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali mo santo papa he, toyemeli yo libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali mo santo Masia he. Kumama libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Kumama kumama kolonanga kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama kolo Yesu kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama yaya na biso kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Haleluya. Yembe la yeto ko binde la yeto ko sangyo la yeto ko kumi sa ye mama mato yembe la ye mama mato kumi sa ye mama mato sangyo la ye ilenge bo yembe la ye papa mato kumi sa ye wele wa ye wa inela angola angola Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia, Masia Alléluia. Élevons nos voix, bénissons-les, le Dieu sage, le Dieu éternel, le Dieu qui nous assujettit nos ennemis. Il est le Dieu de victoire. Proclame-les, glorifie son nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière, OSB, Opération sous la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Notre passage du jour, c'est Romains 16, 17 à 27. La Bible nous demande de nous éloigner des gens qui provoquent des divisions, des scandales dans l'Église, des gens qui viennent introduire des fausses doctrines, qui égarent les autres, qui séduisent les autres par de faux enseignements, qui servent leur propre ventre. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il te donne le discernement. Peut-être que tu t'es rendu compte que vraiment tu es tombé dans ce piège. Demande au Seigneur de te délivrer, de te libérer. Et prions pour que l'Église, les chrétiens aient le discernement, pour qu'ils ne soient pas emportés par tout vent de doctrine, des séducteurs, des gens qui séduisent les autres par leur discours. Combattons ces esprits de séduction au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin nous te bénissons, ce matin nous te glorifions et nous élevons ton Saint-Nom. Merci Père éternel pour tous les privilèges que tu nous donnes chaque jour. Nous sommes reconnaissants de ce que c'est grâce à toi que nous sommes réveillés ce matin. Nous prions au Père pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui sont dans la foi et nous demandons que le discernement soit une réalité dans leur vie. Accorde à chacune de tes servantes, à chacun de tes serviteurs, à chacun de tes enfants que tu as appelé à toi, le discernement pour identifier les doctrines nuisibles, les doctrines toxiques, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous prenons autorité sur tout autre évangile, comme l'apôtre Paul le disait, sur tout enseignement qui est contraire à tes voies. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ces doctrines toxiques sont exposées et combattues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs qui ont été piégés dans cette doctrine-là, qu'ils soient délivrés au Père éternel, que par ta puissance, ils reçoivent la délivrance et qu'ils sortent de ces filets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Protège-les, sécurise-les au Père éternel et protège également tes servantes et tes serviteurs afin que les enseignements qu'ils donnent soient des enseignements sains, des enseignements qui édifient et qui soient l'abri de toute autre doctrine. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que nous devons cultiver la sagesse et la pureté. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il t'aide à cultiver la sagesse dans nos églises, que nous puissions cultiver la sagesse qui va nous aider, qui va nous préserver de certains conflits, même dans nos relations avec notre mari, notre époux, notre épouse, que nous puissions développer la sagesse, mais que nous développions également la vie de pureté. La pureté morale, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, louange à toi ce matin, gloire à toi ce matin, élévation à toi ce matin, parce que tu nous enseignes à travers ta parole, puisque tu nous as dit, celui qui manque de la sagesse qui te la demande dans Jacques, et tu es prêt à accorder à celui qui demande. Béni sois-tu Seigneur, parce qu'il nous faut la sagesse dans nos relations, pour ne pas prendre des décisions hâtives, pour ne pas choquer notre Dieu, notre Père, dans la maison de Dieu. Puisque nous avons des cultures différentes qui doivent s'adapter à la parole de Dieu, nous te supplions de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, de nous donner le discernement, de nous donner le savoir, de nous donner la rhétorique. Nous en avons besoin, Seigneur, pour que les relations soient bonnes, pour que les relations, notre Dieu, soient maintenues. En dehors de la sagesse, nous voulons encore te demander la pureté dans notre vie. Parce que tu as dit, sans la sanctification, personne ne verra ta face. La sanctification, la pureté, la sainteté, dans le langage, dans tout ce que nous faisons. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Viens à nos secours, enseigne-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Tu vas proclamer la victoire au nom de Jésus sur tous les esprits méchants qui te combattent, les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, les esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, tout esprit ténébreux. Tu vas proclamer, tu vas dire, vous êtes assujettis maintenant. Dieu vous assujettit sous mes pieds dans le nom de Jésus et je vous écrase. Proclame ta victoire au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu es tout puissant. Ce matin, je voudrais bénir ton saint nom parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance des ennemis et rien ne pourra nous nuire. Aussi, Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3 dit, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, toute pensée qui s'élève contre notre mariage, nous l'amenons à être assujettis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tout verdict médical négatif qui trouble notre quiétude, ce verdict maintenant est changé en témoignage de santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous marchons sur tout esprit d'envoûtement, sur tout sort, tout enchantement des générations qui pesait sur quelqu'un. Ce démon est libéré. Sort de cette personne au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction et toute chaîne qui retient captif une personne, tout démon de la sirène des eaux qui empêche quelqu'un de progresser, ce démon maintenant est brisé. Ce démon est assujetti sous nos pieds et nous proclamons notre liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, quelqu'un entre pleinement dans son témoignage. Quelqu'un devient une mère joyeuse. Quelqu'un, oui, rencontre sa destinée au nom de Jésus-Christ. Et tous les liens d'extérité sont brisés. Quelqu'un est établi. Père, merci pour tes diverses grâces que tu donnes à chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Je veux rappeler que nous aurons notre grand concert Fréquence Vie, à l'intention des amis de la radio, c'est samedi 19 mars 2016 à l'église Assemblée de Dieu de Yopougon, Gare. Venez tous les amis de Fréquence Vie, nous allons louer le Seigneur à partir de 9h jusqu'à 13h. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.